Elle est de retour des championnats du monde de patinage de vitesse sur contre-piste qui s'est déroulé en fin de semaine. Marianne Saint-Gelais qui a, selon moi, connu sa peut-être une de ses meilleures performances en carrière. Question de savoir si elle est d'accord avec moi, on lui parle. Salut Marie! Salut! Marie, est-ce que t'es... J'ai été surpris de savoir et de voir que tu considérais que c'était une compétition. T'étais un peu déçu parce que, de mémoire, là, que t'as remporté 3 médailles d'argent dans les 3 disciplines, je m'en rappelle pas. Non, c'est une première. Ouais, hein? Faut faire attention aussi. Je pense que, oui, je suis déçue dans le sens que le titre de championne du monde, c'était mon objectif. Puis, c'était aussi quelque chose de réalisable. C'est avec ce que j'ai vu en fin de semaine. Il y a des erreurs que j'ai faites qui m'ont coûté des points importants, je pense, pour justement le cumulatif. Mais ça n'enlève pas le fait que je suis vraiment contente de comment ça s'est passé. Puis, de mes 4 titres de vice-championne du monde, là, je suis très contente de ça. Là. OK. Lequel des compétitions que t'es plus fière? Le 1500, le 1000 ou le 500? Ben, 500, on sait que techniquement, ça a toujours été ta force. Mais lequel des médailles que t'es le plus contente, là, je te dirais? Ben, elles sont toutes différentes, mais c'est sûr que le overall, il fait du bien. Ça veut dire que c'est sur toutes les distances, ben, un cumulatif de ça, je finis deuxième. Fait que c'est sûr qu'elle est significative. Ouais. Mais le 1500 mètres reste encore là, cette année une très bonne course pour moi. Là. Depuis les deux dernières saisons, le 1500 mètres, c'est du bonbon pour moi. Là. J'apprends à courser cette distance-là. En fait, j'apprends pas, je la maîtrise vraiment de mieux en mieux. Puis je fais vraiment des belles choses. Fait que le 1500 mètres, là, ça reste encore, je pense, mon highlight de la saison. OK. Moi, j'ai été surpris de voir qu'Elisa Christie a remporté à très bien fait. Moi, Elisa Christie, je pense que normalement, c'est une bonne patineuse, mais c'est pas la top du plateau, là. Elle a très bien fait là, en fin de semaine. Ben, en fait, non, Elise, depuis les deux dernières saisons, elle est vraiment constante. Écoute, elle a gagné, je pense, cette saison-là, 5 médailles d'or en Coupe du Monde. Ah, OK, c'est bon. Fait que non, c'est vraiment une bonne rivale. Puis je pense que le titre de championne du monde cette année se jouait entre trois personnes. Puis Elise faisait nécessairement partie de ces trois personnes-là. OK, toi, Elisa et peut-être Kevin Fan, peut-être? Non, Choi. La championne du monde sortante. Ouais. OK. Qu'est-ce qui s'est passé du côté du relais? Ça a été difficile, hein? En fait, c'est vraiment pas un bon relais qu'on a fait. J'étais vraiment très déçue de ça. C'est des erreurs qu'on a fait qu'on n'aurait jamais dû faire rendu ce qu'on est rendu en termes d'expérience, en termes de préparation. C'est un gros événement, les championnats du monde. C'est un dernier gros test qu'on avait avant les Jeux, puis on a échoué. Mm. Fait que moi, j'ai trouvé ça difficile à prendre. Puis encore maintenant, je pense que je vais l'avoir sous le cœur encore un peu ce relais-là. Mais c'est ça, c'est une épreuve d'équipe, hein, fait que des fois, quand on se lance à la guerre, ben, on est 4 à la guerre en même temps, puis l'erreur de une, ben, met toute l'équipe dans une position délicate. Au contraire, quand quelqu'un fait un bon coup, par exemple, ça place l'équipe en bonne position, fait qu'il faut on n'a pas le choix, il faut dealer avec ça, puis il faut jongler avec ces éléments-là. Mais en fin de semaine, vraiment, on n'a pas bien coursé, puis c'est vraiment une valeur. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est quoi? C'est un manque de coordination? Peut-être un manque de communication? Parce que la communication dans un relais comme ça, c'est très primordial. C'est ça qui a manqué un peu? En fait, on a essayé d'avoir la tertiaire un peu tactiquement, puis on n'a pas bien géré cette composante-là. Ça nous a mis en position derrière où on a voulu... On n'est pas resté patient, on n'est pas resté calme, chose qu'on est habitué de faire, puis on gère d'habitude très bien. Fait que, ben, à la fin, on a manqué d'énergie, on a fait des mauvais échanges, puis il restait deux tours pour rattraper le tir, puis ça n'a pas été suffisant. OK. Marie, parle-moi maintenant du côté du championnat du monde et ta saison. Le fait que tu finis 3 médailles d'argent au championnat du monde, c'est très, très positif à un an des Jeux, là. À Pyeongchang. Vraiment? Oui, hein? Non, vraiment. Puis, la lignée est bien, là. T'sais, on s'en joue encore pour je m'en vais vers ça, je m'en vais vers les Jeux. Les championnats du monde, ça restait notre plus grosse pratique, notre dernière pratique en fait avant les Jeux. Okay. Et je suis satisfaite de comment ça s'est déroulé. Là. Ok, c'est une année olympique, donc ça veut dire que cette année, ça va changer un peu là, les vacances. Là. Normalement, là, tu es en vacances jusqu'au mois de mai-juin, je pense, si je me rappelle bien. Mais là, en étant en année olympique, là, la routine va changer des autres années. Là, hein? Ben, en fait, nous autres, on a eu c'était un scénario contraire qu'on a eu. Ah, OK. Nous, on est toujours 11 mois par année à l'entraînement. Puis déjà, nous, on commence la glace d'habitude en avril. Là. Okay. Fait que c'est vraiment très, très rapide. Là. Puis les sélections sont en août. Donc, il y a un changement qui a été apporté, mais on a eu plus de repos. On a 4 semaines de repos cette année, chose qu'on n'a jamais eue dans le passé. Okay. Pour être certain que toutes les athlètes passent, dans le fond, au travers de cette année-là. Okay. Parce que c'est une année qui est longue, qui est exigeante. Puis on veut être certain que la tête a eu le temps de décrocher avant de recommencer. Dernière question. Je veux te parler de la couverture olympique. J'en ai parlé pas mal, la couverture des médias. J'en ai parlé pas mal. Au cours des derniers jours, j'ai eu pas mal d'invités qui sont des athlètes olympiques. J'ai parlé avec Alex Harvey ce matin. J'ai eu Éric Gay l'autre jour. Hier, j'ai eu Jean-Claude Brassard. Et Jean-Claude Brassard a dénoncé un petit peu, ben, tu l'as peut-être vu dans les médias, la couverture qu'on fait des athlètes olympiques. En fin de semaine, c'était sur CBC. La compétition, c'était sur le web à Radio-Canada. Je sais que j'ai parlé avec Alex ce matin. Il était un petit peu déçu de la couverture québécoise. Toi, là, comment tu trouves ça? Vous avez quand même une bonne couverture. Marianne Saint-Gelais, Charles Hamelin, le Coupe et ainsi de suite, t'as quand même une bonne couverture, là. Ben, en fait, faut pas. Je pense que je suis de l'avis de mes compatriotes. Puis il y a une différence à faire entre notre visibilité et la visibilité du sport. Ouais. Charles et moi, c'est vrai qu'on est des figures connues, puis on est un peu l'emblème du patinage à vitesse en ce moment au Canada. Mais justement, pourquoi on profite pas de cette fenêtre-là? Parce que il y en aura d'autres. Charles et Marianne ne seront pas toujours là, fait qu'il faudrait justement en profiter plus puis montrer le sport amateur. T'sais, moi, j'ai vraiment une belle référence. On était en Europe en fin de semaine, la semaine passée. Ils ont une télé, puis c'est Eurosport que ça s'appelle. Ouais. Ils ont tous les sports. Moi, j'ai vu Alex Harvey gagner live à la télé quand j'étais à Rotterdam. Puis j'ai jamais vu ça au Québec. J'ai vu Michael Kingsbury puis Justine Dufour-Lapointe finir troisième au championnat du monde qui était en Espagne live à la télé. Puis j'ai pas la chance de voir ça quand je suis au Québec. Fait, oui, c'est sûr qu'il y a quelque chose à faire avec ça. On voit du biathlon, on voit du saut de fer, des choses qu'on voit pas en télé québécoise, fait que c'est certain qu'on a un manque de ce côté-là, puis il y a nécessairement quelque chose à faire. Ben, c'est clair. De là, la sortie de Jean-Luc Brassard l'autre jour. Marianne, bon repos. Hey, Rotterdam, ça a l'air vraiment d'une belle ville. C'est Valérie Malta qui a envoyé ça sur Instagram. Ça a donc bien de l'air beau comme ville. C'est vraiment très beau, hein? C'est, ouais. C'est un climat vraiment différent. Mais oui, les paysages sont beaux, la ville était vraiment magnifique. Ouais. Marie, bon repos, tu le mérites bien, puis on s'en reparle durant l'été, mais que tu viennes dans le coin de Saint-Félicien. Super, merci. Notre athlète, Marianne Saint-Gelais.